Pérou, une équipe qui n'a plus joué à un mondial depuis 1982 et dont tout le pays, évidemment, est remonté à bloc pour cette participation. Le match aura lieu cet après-midi à 17h heure française. Dans les autres rencontres du jour, Argentine, Croatie et Danemark, Australie. Donald Trump met fin au scandale qu'il a lui-même créé. Le président américain a annoncé hier qu'il allait signer un décret pour mettre fin à la séparation des enfants de leurs parents en situation irrégulière à la frontière mexicaine. Il a affirmé ne pas avoir aimé voir les images de familles séparées, fait donc volte-face. Il ne veut plus de séparation, mais maintient que la Maison-Blanche veut une politique d'immigration ferme. Le responsable du SAMU du Bas-Rhin démissionne. Conséquence du décès d'une jeune femme de 22 ans en décembre dernier, Naomi Muzenga avait appelé le SAMU le 22 décembre parce qu'elle ne se sentait pas bien. Une opératrice n'avait pas pris son appel au secours en considération. Une intervention médicale avait été lancée, mais que 2 heures après l'appel, la jeune femme était décédée en fin de journée à l'hôpital. Des dysfonctionnements au sein du SAMU ont été enregistrés et le responsable départemental vient de démissionner. Jean-Jacques Urvoas, mis en examen, l'ex-garde des Sceaux est soupçonné d'avoir transmis au député Thierry Soler des éléments sur une enquête le concernant. Il est donc poursuivi pour violation du secret professionnel. Jean-Jacques Urvoas a contesté une quelconque violation. Et puis une nouvelle claque pour l'environnement. Entre 2014 et 2016, les forêts sauvages ont perdu chaque année une surface de 90 000 km². C'est une surface équivalente à celle de l'Autriche. Le rythme de destruction s'accélère depuis le début du siècle, selon les résultats d'une enquête cette semaine. Au rythme actuel, les forêts vierges auront disparu d'ici 2030 au Paraguay, au Laos ou en Guinée équatoriale. La journée sera belle encore aujourd'hui pour ce premier jour de l'été et pour la fête de la musique. Belle mais moins étouffante qu'hier, surtout sur la moitié nord. On aura aussi quelques passages nuageux toujours au nord de la Loire, en matinée également. Le ciel va largement se dégager en journée. On n'aura que du bleu la plupart du temps cet après-midi. Quelques orages reviennent en fin de journée sur le sud, sur le golfe du Lion et le sud des Alpes. Et puis on pourra aussi avoir quelques averses possibles sur la région toulousaine. Les températures ce matin, 14 à Amiens, 15 à Rennes, 19 à Lyon et Paris, 20 à Toulouse. En journée jusqu'à 27 sur la moitié nord, 34 au sud pour Nîmes. 6h02, c'est le double expresso. Bonjour. Bonjour Greg, bonjour à tous. Je viens frapper à votre porte pour vous réveiller, je vous amène Justine, ça, au cadeau. C'est Julien Doré aussi sur RTL2. La lumière est divine sur le porto vecchio. J'ai le spleen, on tatoue ma peau. Je ne pars pas, je nage dans le murmure des vagues. Mais j'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. L'assassine, te vois la sortie des flots. Je ne pleure pas, je nage dans le murmure des vagues. J'ai oublié ton nom et ton corps sur la plage. J'ai la main sur le porto vecchio. Je souris au venin qui me brûlait le dos. Pour oublier ta main et le goût de ta peau. Ah. Tu m'as lâché la main sur le porto vecchio. Julien Doré et Porto Vecchio sur l'été, c'est l'été. Bah du coup, c'est parfait cette chanson-là. Grégory Achère et Justine Salmon. Yep. Bon réveil avec le double expresso RTL 2. C'est l'été, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, 6h05, nous sommes le jeudi 21 juin, 400e du double expresso RTL 2. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour l'équipe, bonjour Jérémy. Bonjour, bonjour. Et 400e. C'est ça ouf. Ça y est, hein, c'est fort, hein, ça avance. Hein. Oh là là, c'est beau. Moi je serais heureux quand on aura fait 3008. Là, je pourrais dire, ok, on a accompli quelque chose. Hein, on sera vieux. On sera surtout fatigué, je pense. Hein. Ouais. On sera fatigué. Bonjour Jonathan O'Donnell. Bonjour Grégory Achère. Ça va bien? Ah ouais, ça va super. Bon, t'as prévu d'aller chanter ou faire un peu de spectacle pour la fête de la musique? Ouais, je vais faire un petit bœuf en centre-ville. Ah ouais, tu avec les copains. Bien sûr. Il va avoir beaucoup de boulot aujourd'hui. Il s'occupe des réseaux sociaux du double expresso. C'est Max, bonjour. Ouais, bonjour à tous, ça va? Et ouais, Max. Et ouais. Jérémy, nous on a un invité tout à l'heure entre 8h et 9h. C'est ça. Qui c'est? C'est Jason and Mraz. Exactement. Et en préparant, on s'est dit quand même, cette chanson, elle est dingue. Hein. Elle est ouf, cette chanson. On l'adore tous. Je connais pas une personne qui me dit, oh là, j'aime pas cette chanson. De toute façon, ceux-là, ils sont pas invités. Vous sortez. Ouais, tout le monde l'a dans son téléphone. Exactement. Puis il nous chantera sa nouvelle chanson qui est celle-ci. Ça va être bien, ça, en live, hein. Ça va être un bon moment, soyez avec nous à partir de 8h. Exactement, et ça va être une journée exceptionnelle hein, sur RTL2 évidemment, puisqu'il y aura par la suite Delta Tips et les négresses vertes tout au long de la journée. On est parti, on est lancé, rien ne saurait nous arrêter. Je fais des rimes. The Calling, Blow et les Red Hot Chili Peppers dans le double expresso RTL2. Voici My Friends pour la 400e de l'émission. C'est la fête, youhou. My friends are so depressed. Ex-girlfriend called me up, alone and desperate.

2016, rentrée dans les coulisses du Double Expresso RTL2 avec Vivi, notre standardiste, qui m'a dit « Craig, t'oublies pas le tube de la brosse à dents ?» Elle le fait avec sa voix. Elle parle comme ça ? Ouais, presque. Alors le tube, Justine, comment on joue ? Appelez Vivi au 3228 et à gagner 500 euros à dépenser sur le site partout.com. Ah oui, ça mérite le coup de fil là quand même, évidemment. On joue à 6h45 avec le copain Bruce Springsteen sur RTL2. You think you won't, you think I'm gone. You shot my brain, but I don't feel the pain. Kings never die, this ain't no lie. You think we're the same. On the Moon sur RTL2, 6h19. L'Info Expresso RTL2. Alors tu nous disais, Justine, parce que l'Info Expresso c'est ça, c'est ce qu'on trouve dans la presse et dans le web, les enfants têtus peuvent réussir mieux dans la vie, c'est ça ? Bah écoute, tu as tout dit. J'ai trouvé ça sur genocide.com. Selon une étude américaine parue dans le journal Development Psychology, les enfants en fait qui n'en font qu'à leur tête auraient plus de chances de réussir dans leur vie professionnelle. T'étais comment quand t'étais enfant ? Ah non, mais moi j'étais... pour le coup, j'ai du recul maintenant, j'étais atroce. Donc têtu. Têtu, rebelle, chiant. Est-ce que je veux pas... Excusez-moi, je fais une interview juste socialement. Hein. Est-ce qu'on peut considérer que t'as réussi ta vie professionnelle ? Bah ça... Moi je pense que oui. Bah, le fait de travailler avec Grégory Achard, c'est vrai que c'est... Ah là, il a trouvé ma vanne. Bon, pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques à l'origine de cette étude ont suivi quand même 700 enfants âgés de 9 à 12 ans pendant 40 ans. Oh la vache. Ah oui, c'est pas une petite étude, hein, pendant 40 ans. Ah, mais c'est-à-dire qu'ils ont même changé de chercheur, quoi. Il y a un moment, ils sont morts. Durant toutes ces années, donc, ils ont observé la personnalité de chacun, en s'intéressant à leur caractère durant la préadolescence. Ils ont analysé aussi leur capacité à être attentif ou non, leur sentiment d'infériorité, leur niveau de patience, leur réaction face à tout, face à l'autorité parentale également. Et les résultats ont montré que les enfants qui ont défié leurs parents, qui étaient rebelles et têtus, avaient mieux réussi leur vie que les autres. Grâce à leur caractère bien trempé, quoi, j'imagine. C'est ça. Incroyable. Ils ont plus confiance en eux et Alors attends, ça, ça m'arrive pas. Par contre, ils arrivent à obtenir des salaires plus élevés. Bon, bah... apparemment, bon voilà. Donc ça veut dire que les enfants que tu vois dans Super Nanny, peut-être ça va devenir des patrons du CAC 40. Ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon bah voilà, okay, pour cette étude. Merci Justine. Bon bah pas de panique, parents, si jamais vos enfants sont têtus et capricieux, ça veut dire qu'ils vont réussir leur vie. Et ça, vous pourriez dire, c'est grâce à Justine Salmon que je l'ai appris sur RTL 2. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it? Of your days, if a great wave shall fall and fall upon us all, without a hope, there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high or down. Quite how my life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Calling wherever you will go sur RTL 2. Allez, c'est l'heure de l'horoscope, il n'y a pas de jingle. J'attendais un jingle, mais il n'y a pas de jingle. Allez, médaille de bronze. Non, il n'y a jamais eu, hein. C'est ça qui est étonnant. Hein. Ouais, j'attends un jingle ouf. À la 400e, mais on n'a pas créé de jingle. L'horoscope. Bon, ça va, Pipo et Mimo, là? Et, oh, et t'es plus têtu et tout ça, c'est fini, t'es plus une enfant. Hein. Horoscope, médaille de bronze pour les taureaux, Greg. On se fait engueuler. Vous avez du mal à sortir du lit ce matin, courage. Scorpion. Vous avez trop de choses en tête, recentrez-vous sur l'essentiel. Médaille d'argent pour les béliers. Tout le monde est aux petits soins pour vous, profitez-en. Gémeaux. Vous avez l'esprit vif, vous réagissez vite face aux difficultés. Les lions. Vous refusez de vous laisser marcher sur les pieds et vous avez raison. Vierge. Vous êtes facile à vivre en ce moment, votre compagnie est agréable. Balance. Vous êtes très persuasif et cela vous sert tant au travail qu'à la maison. Sagittaire. Pas de stress pour vous aujourd'hui, c'est le moment de décompresser. Les capricornes. Vous êtes dans une forme olympique et gonflé à bloc. Verseau. Vous avez une nouvelle passion, ça vous occupe l'esprit. Poisson. Vous êtes déterminé, mieux vaut éviter d'être sur votre passage aujourd'hui. Et médaille d'or pour les cancers. Ah oui, morale, santé, amour, tous les voyants sont au vert, aucun nuage à prévoir dans votre ciel. Pony Pony Run Run, Hey You pour le son pop rock. Ah non, on a un titre maintenant? Oui, c'est ah mieux. Ah oui, ouais. On est Mr Big. Voilà. Ah, t'es un bon chaton, toi, ça fait plaisir. Voici Wild World sur RTL 2. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear.

Bonjour, bienvenue dans le Double Expresso. Il est 6h30 avant Pony Pony Run Run, vos infos avec Fabienne Tarkef. Bonjour Fabienne. Bonjour Greg, bonjour à tous. Nous n'aimons pas voir des familles séparées. Ce sont les mots de Donald Trump hier. Il fait volte-face sur le sujet de la séparation des enfants et parents de migrants clandestins qu'il avait lui-même initié. Le président des États-Unis a décidé hier de signer un décret pour mettre fin aux séparations systématiques. Mais Donald Trump a affirmé que des poursuites pénales continueront à être engagées contre ceux qui traversent la frontière illégalement. En Europe, la politique migratoire est aussi un sujet brûlant. Les dirigeants de 10 pays européens vont se réunir dimanche à Bruxelles pour plancher sur des solutions européennes aux défis migratoires. Ils prévoient un durcissement des obligations imposées aux demandeurs d'asile pour apaiser les tensions entre États membres. Les participants au sommet s'engageraient à accélérer les renvois de demandeurs d'asile d'un pays de l'Union européenne vers un autre quand ce dernier est considéré comme responsable du traitement de sa demande. C'est pas une bonne nouvelle, des jours de grève pendant tout l'été. C'est ce qu'a annoncé en tout cas hier la CGT pour donner la suite au mouvement de la SNCF. Si la grève perlée doit se terminer le 28 juin prochain, le syndicat a annoncé qu'il appellerait à des journées de grève en juillet et en août, à commencer par les 6 et 7 juillet. Du foot, les yeux sont rivés sur la France aujourd'hui. Les Bleus jouent déjà une qualification possible pour les huitièmes de finale du Mondial face au Pérou à 17h. Mais pour cela, ils vont devoir mieux jouer que le match contre l'Australie, la semaine dernière. Dans les autres rencontres du jour, Argentine, Croatie et Danemark, Australie. Et puis hier, le Maroc, l'Égypte et l'Arabie Saoudite se sont fait éliminer du Mondial. Et puis c'est évidemment la fête de la musique. Eh oui, 36 ans que chaque 21 juin, tout le monde peut pousser la chansonnette dans la rue. Évidemment, on va fêter l'événement comme il se doit sur RTL2. Et puis il y aura des milliers de manifestations et de concerts partout en France. Et puis puisqu'on parle musique, Paul McCartney a annoncé hier la sortie le 7 septembre de son 17e album solo. La journée sera belle encore aujourd'hui, justement pour cette fête de la musique et également pour ce premier jour de l'été. Une journée belle, mais normalement moins étouffante qu'hier, surtout sur la moitié nord. On aura aussi quelques passages nuageux, toujours au nord de la Loire en matinée également. Le ciel va largement se dégager en journée. On n'aura que du bleu la plupart de l'après-midi. Quelques orages reviennent en fin de journée dans le sud, sur le golfe du Lion et sur le sud des Alpes, avec quelques averses possibles sur la région toulousaine. Il fait ce matin 14 à Amiens, 15 à Rennes, 19 à Lyon et à Paris et 20 degrés à Toulouse. C'est l'été et la fête de la musique sur RTL2. Pony Pony Run Run, actuellement en tournée en Chine. C'était Hey You sur RTL2. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Un winner, Greg, que tu as trouvé sur cnews.com ce matin. Oui, et c'est .fr même. Et vous allez voir, c'est assez... Oui, bon, qu'importe, sur cnews. De tous les cas, les enfants, vous allez voir, c'est une histoire absolument incroyable. T'es prête? Parce que je suis prête. Je pense que t'es pas prête pour ce qui se passe. Ah, allez, sûr que non. Bon, alors qu'il se rendait dans son lycée près du Columbia, il y a Austin Matula qui a rencontré de nombreuses difficultés. C'est un étudiant. Alors d'abord, problème avec sa voiture. Ça peut arriver, c'est pas de chance. C'est le jour où il a besoin d'y aller avec sa voiture parce qu'il y a une remise des diplômes. Il vient en chemise blanche, il est élégant. Bim, il se tâche. Chemise entièrement tachée d'antigel parce qu'il a un énorme problème avec sa voiture. Il a mis de l'antigel. La chemise est dégueulasse. Bon, ça arrive, c'est pas de peau. Bon, on se dit comment je vais le masquer. Sauf que l'antigel en question commence à lui brûler les bras. Ah oui. Brûlure. Assez embêtante. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle une ambulance. Plus de chemise, plus de bras. C'est quand même un petit peu ennuyeux. Des policiers, voyant l'ambulance, se disent « on va aller voir ce qui se passe ». Et là, ils tombent sur Isaac et Fred, deux policiers très sympas. Invite-les un jour à une soirée barbecue, tu vas voir, l'ambiance est garantie. Isaac et Fred, ils sont partis lui chercher une chemise blanche. Ils l'ont aidé à se boutonner et ils l'ont amené jusqu'à son lycée pour recevoir son diplôme. Oh, des flics super sympas. C'est quand même plutôt sympa. Sa maman a fait savoir qu'elle était hyper reconnaissante. Il va bien, les bras vont mieux. Mais moi, je me dis quand même que c'est plutôt extrêmement touchant de leur part d'avoir fait ça. C'est trop mignon. Bah ouais, c'est extrêmement mignon. Alors après, ce qu'on sait pas, c'est que comme il a fêté le diplôme, il s'est retrouvé, ils sont déboutonnés la chemise. Tout ça. Oui, bah ça arrive, fait ce qu'il veut. On fait tourner les serviettes. Et les chemises, en l'occurrence. Bravo à eux. En tout cas, ce sont nos winners du jour qui ont aidé Austin Matula à aller récupérer son diplôme et à pouvoir aller tranquillement au lycée. Counting Crows, Mr. Jones, dans le double expresso RTL2.

c'est la fête de la musique en direct sur RTL 2. Running like a dog, fighting like a bitch too much, and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits, cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. Fall apart. I feel like our ship's going down tonight, but it's always darkest before the light, and that's enough for me to try. Whatever you want, whatever you need, whatever you do, even if I say that it's over now, even for me. Whatever you want sur RTL 2. RTL 2, le tube de la brosse à dents. Il a un prénom extrêmement célèbre. Forcément, c'est un grand romantique. Roméo est avec nous. Bonjour, Roméo. Bonjour, RTL 2. Bonjour. J'aime beaucoup ce prénom. Bonjour, Roméo. Ça va ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Oui, ça va bien. Vous êtes à Belfort, où il y a d'ailleurs une antenne RTL 2. Vous êtes... Quel est votre métier ? Vous êtes ? Ambulancier. Ah bah c'est bien, bravo pour voilà. ce métier pas forcément simple toujours. Eh, ça veut dire que vous êtes un peu Starsky et Hutch dans les rues de Belfort. Ça va vite quoi. Oui, bah, il faut hein. Le roi du pompon. Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie? Bah écoutez, moi j'aime bien bricoler, j'aime bien cuisiner un peu de temps en temps et voilà. Et vous écoutez bien sûr. Quelle est votre spécialité culinaire? Alors c'est les tomates farcies. Ah j'adore. Trop bon. Ah ouais, bravo. Ouais, j'appelle tout seul. Bonjour Bruce Springsteen. Oh yeah, bonjour les pop rockers. Et bonjour mon Roméo, la forme? Bonjour, très bien. Magnifique. Bon, Roméo, j'espère que vous ne chuterez pas du balcon et que vous allez pouvoir découvrir la chanson chantée par Bruce Springsteen. Attention. Allez, je vous écoute, Roméo. C'est Survivor. Eh ouais, bravo. D'ailleurs, à ce propos, là, il y a Creed 2, vous savez, la suite des Rocky. Oui. C'est le fils de Apollo Creed. Il y avait le 1 qui était sorti, qui était magnifique. Voilà. Il y a le trailer du 2, tu la bande-annonce exceptionnelle. Bon. M'as complètement perdu. Bah, pourtant, c'est pas dur. Bravo, Roméo. Qu'est-ce que vous venez de gagner? Justine va vous le dire. Vous gagnez 500 euros à dépenser sur le site spartoo.com, Roméo. Génial, top. Vous allez faire des beaux paniers. Voilà, c'est cadeau. Bon, on vous embrasse, on vous souhaite une belle journée. Vous, vos enfants, votre femme, tout le monde, la famille de Roméo est triomphante. Et qu'est-ce qu'on vous sert, Roméo, sur RTL 2 ? Un double expresso. Eye of the Tiger sur RTL de 6h55. Le double expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. En short américain, il est moins musclé que Sylvester Stallone. Ah oui, c'est pas faux. Mais ça joue à pas grand chose, hein. Ouais, c'est des détails. Une histoire de Photoshop et c'est réglé, c'est Jonathan O'Donnell. Bonjour Jonathan. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Bonjour. Bonjour à tous. On va commencer avec une petite histoire que je qualifierais de gastronomie. Vous allez comprendre pourquoi, parce que les steaks d'insectes. Oh. Et oui, on fait mouche au dernier salon des entrepreneurs à Lyon. Non. Voilà, bah si, bah donc si vous êtes sur Lyon et que vous cherchez le salon des entrepreneurs, bah c'est celui qui est à côté du salon des jeux de mots. Voilà, c'est le stand à côté. Ah oui. Et je vais vous parler de Neuilly-sur-Seine. Bah là, on s'y trouve, bah ouais, dans nos studios, enfin à côté en tout cas, pas dans chez nous. Dans la ville où on est. Dans la ville où on est, je vous le dis, c'est mieux parce qu'un gourou ostéopathe a été interpellé à Neuilly-sur-Seine. Il proposait des consultations à distance moyennant voilà, d'importantes sommes d'argent. Incroyable. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, passer des appels à distance et réclamer des grosses sommes d'argent, on dirait moi quand j'appelle mes parents en fin de mois finalement. Je vais pas me retrouver en garde à vue avec lui quand même. Mais... Puis une petite info de technologie, parce que Google a conçu un outil capable de prédire

cannabis sur elle. Le Canada deviendra le premier pays du G7 à autoriser cette drogue douce. La France peut se qualifier dès ce soir pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus jouent cet après-midi le Pérou et ils vont devoir faire mieux que face à l'Australie la semaine dernière. Le Pérou, une équipe qui n'a plus joué un mondial depuis 1982. Le match aura lieu à 17h, heure française. Enfin, RTL de fête la musique aujourd'hui. Ça commence dès 8h dans le double expresso avec Jason Mraz. Du côté de la météo, la journée sera belle encore aujourd'hui pour ce premier jour de l'été et aussi pour la fête de la musique. Belle mais moins étouffante normalement qu'hier, surtout sur la moitié nord. On aura aussi quelques passages nuageux toujours au nord de la Loire en matinée. Le ciel va largement se dégager en journée. On n'aura que du bleu la plupart de l'après-midi. Quelques orages reviennent quand même en fin de journée dans le sud, notamment du côté du golfe du Lion et sur le sud des Alpes. Et quelques averses seront possibles sur la région toulousaine. Les températures ce matin, 14 degrés à Amiens, 15 à Rennes, 19 à Lyon et Paris et 20 à Toulouse. 7h03, bonjour à tous, bienvenue dans le double expresso RTL2. Bonjour Greg, bonjour à tous. Tu vas bien? Oui, pleine forme. Fête de la musique aujourd'hui qui sera célébrée tout au long de la journée sur RTL2. On vous en reparle, ce sera l'info expresso d'ailleurs du jour. C'est l'été également et on écoute Gauthier, Somebody That I Used To Know sur RTL2. Bonjour. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. But you didn't have to cut me off. Because I Somebody That I Used to Know sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. Le double expresso RTL2 de 6h à 9h. 7h07, ça s'agite un petit peu partout parce que, pour tout vous dire, pour entrer dans la tambouille interne, car je dis tambouille interne, nous changerons de studio d'ici une heure pour aller dans un studio de live où Jason Emra sera notre invité. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. On va filmer tout ça. Bien sûr, ce sera disponible sur le Facebook du double expresso RTL2. Je le précise également, nos auditeurs seront là. Hein, oui, puisque vous serez là. Et ça, c'est chouette de vous croiser. Bonjour Jonathan O'Donnell. Bonjour Grégory Achère. Qui traîne dans l'émission comme toujours. Ça, il reviendra à 8h55 pour son top 3. Bonjour à Max des réseaux sociaux qui va avoir beaucoup de boulot aujourd'hui. Ouais. Bonjour Jérémy qui est aux manettes qui va avoir beaucoup de boulot aujourd'hui. C'est ça, bonjour les amis. Plus que d'habitude. Ah. Et aujourd'hui, en plus d'être l'été et de la fête de la musique, c'est une journée qui te tient à cœur, Justine. Pourquoi ? Ah, la journée du selfie. Ben, oui, bien sûr. Ah oui, j'ai vu ça, c'est rigolo. Et c'est la journée mondiale du yoga. Et alors, pour la zénitude, la tranquillité, sachez-le, mais je vais le faire comme ça du coup, c'est la journée internationale. C'est angoissant, vas-y. De la lenteur. Ah. Et les Québécois, qui l'ont créée, nous disent de regarder les nuages. Tu peines là. Tranquillement. C'est chiant la journée de la lenteur. Ah ouais, voici YouTube, With or Without You sur RTL2. Bonjour. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all but I won't. Waiting for you. With or without.

must I go down to the grave and die happily? Leave the body of my soul to be a part of me. I'll do what it takes, whatever it takes. It takes. 7h18, alors vous ne gagnez pas un séjour dans les coffres comme vous l'annoncez Justine il y a quelques secondes, mais un séjour au parc Astérix au 3228, on jouera dans la banque RTL 2 d'ici 30 minutes. Appelez-nous donc au 3228 ou sinon vous envoyez le mot banque au 74 900 par SMS. L'info expresso pour réussir sa fête de la musique, c'est après Nirvana. Come as you are, as you were, as I want. Sur RTL 2. L'info expresso du double expresso RTL 2. L'info expresso tous les jours, on fouille la presse, on fouille le web pour ouais, vous. Et on est de bonne humeur, c'est la fête de la musique. Je vous rappelle que Jason Mraz sera des nôtres tout à l'heure avec un Yours. Il va la chanter. Mais il n'est pas le seul, parce qu'il y aura des invités tout au long de la journée. Par exemple, dans le Drive RTL 2 ce soir avec Mathilde et Eric, il y aura les Négresses Vertes. Voilà, et on est en été, ça y est. Ah oui, c'est l'été aujourd'hui. Et tout à l'heure, chez Kevin Olivier, il y aura le groupe Delta. Je tire au cœur, je tire un blanc. Je tire sur tout. Nouveauté pop rock, et puis Tim sera chez Pascal Langlois entre midi et 16h. Ça, c'est la grosse actu à retenir. Et pour fêter la musique en bas de chez vous, parce qu'évidemment, il y aura plein de groupes qui vont jouer un peu partout en France. Justine est ravie, sous son balcon, il y en aura 15 000 qui vont jouer du ukulélé. Eh bien, il y a un truc assez génial, une carte interactive créée par Esri France qui permet de sélectionner les concerts en fonction de trois critères. Alors, le style musical, les mots-clés, c'est-à-dire que si vous voulez dire tel arrondissement, tel endroit, et la plage horaire. C'est plutôt sympa. Quand je dis arrondissement, c'est pour Paris. Mais je vous rassure, ça marche partout en France. Vous allez sur ce site, c'est extrêmement simple, esrifrance.maps, et là, vous avez tous les endroits où les concerts, des mini-concerts sont prévus. Vous cliquez juste l'endroit, le lieu, l'horaire, et vous avez toutes les infos. C'est assez génial. On est dessus depuis une demi-heure, oui, c'est assez génial, c'est vrai. Pour réussir sa fête de la musique, voilà une appli qui est réussie. Sinon, vous restez sur RTL2, ça marche aussi extrêmement bien. Je peux trouver des adresses où il n'y a pas de concert également. Partout où il n'y a pas les petites notes de musique. Super. Tu seras à peu près tranquille, toi et tes oreilles. Voici une nouveauté qu'on adore dans le Double Expresso. Tom Greenan, Found What I've Been Looking For sur RTL2, 7h23. Always fine lines between us, they say nowadays. Don't mean much, cross an anchor in the sand. What we need, but my ship's at sail, and I'm here to tell that I don't mean like the other sand. Tom Greenan sur RTL2 à 7h26. Toutes ces nouveautés chez Alexis, chaque soir à 19h et le vendredi à partir de 20h. Voici l'horoscope du jour. On y va avec les médailles de bronze, Justine, et les taureaux. Vous avez du mal à sortir du lit ce matin, courage. Scorpion. Vous avez trop de choses en tête, recentrez-vous sur l'essentiel. Les médailles d'argent avec les béliers. Tout le monde est aux petits soins pour vous, profitez-en les béliers. Gémeaux. Vous avez l'esprit vif, vous réagissez vite face aux difficultés. Les lions. Vous refusez de vous laisser marcher sur les pieds, vous avez raison. Les vierges. Vous êtes facile à vivre en ce moment, votre compagnie est agréable. Balance. Vous êtes très persuasif et cela vous sert tant au travail qu'à la maison. Les sagittaires. Pas de stress pour vous aujourd'hui, c'est le moment de décompresser. Capricorne. Vous êtes dans une forme olympique et regonflée à bloc. Les Verseaux. Vous avez une nouvelle passion, cela vous occupe l'esprit. Poisson. Vous êtes déterminé, mieux vaut éviter d'être sur votre passage aujourd'hui. Et la médaille d'or du jour, c'est pour vous les cancers. Morale, santé, amour, tous les voyants sont au vert, aucun nuage à prévoir dans votre ciel. On va écouter Bad Wolves.

Et du côté du ciel alors, on a plutôt une journée qui sera belle pour ce premier jour de l'été et aussi pour la fête de la musique. On va pouvoir sortir faire la fête. Belle journée mais moins étouffante qu'hier, surtout sur la moitié nord. On aura aussi quelques passages nuageux, toujours au nord de la Loire en matinée également. Le ciel va largement se dégager en journée et on n'aura que du bleu sur la plupart des régions cet après-midi. Quelques orages quand même en fin de journée dans le sud, sur le golfe du Lion et le sud des Alpes. Et on pourra aussi avoir quelques gouttes sur la région toulousaine. Les températures ce matin, 14 à Amiens, 15 à Rennes, 19 à Lyon et Paris et 20 à Toulouse. 7h33, c'est le Double Expresso RTL. Bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. On fête la musique ensemble. La chanson du jour arrive juste après Bad Vols et Zombie dans le Double Expresso RTL 2. RTL 2 à 7h36, voici la chanson du jour. RTL 2, la chanson du jour. Bon, on est en 1985 sur l'album Non Homologué. Et cette chanson, je le dis tout de suite, on l'a chantée toutes et tous de nombreuses fois. C'est Je te donne de Jean-Jacques Goldman et bah Michael Jones. C'est vrai qu'il n'y a pas souvent de chansons françaises dans ma chanson du jour. C'était l'occasion de rattraper ça. Alors, ils sont connus tous les deux avec le groupe Typhon, qui était le premier groupe de Jean-Jacques Goldman. Et on lui a justement reproché de ne pas chanter en français à Jean-Jacques Goldman à cette époque. Du coup, il a dit bah, j'arrête. Sauf qu'ils ont quand même fait un troisième album. Et pour collaborer, pour le remplacer, il y avait Michael Jones. Ils sont devenus copains. Et voilà comment ils se sont retrouvés par la suite à vivre une grande carrière ensemble. Alors, Je te donne, plutôt que d'en parler, comme tout le monde l'a chanté, on va écouter Jérémy nous dire comment il chante Je te donne. Comment tu faisais sur Je te donne, Jérémy, allez, notre réalisateur? Ah là, ça va être dur. Hein. Vas-y. I can give my heart to another day. Ouais, là, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, on connaît. C'est du yaourt, quoi. Non, on l'a. C'est même pas du yaourt, là. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Il y a un truc. Tu me juges. C'est un massacre. Il y a un grain de voix. Chanson écrite en réaction face à la montée du Front National dans les années 80. C'est un hymne au métissage, numéro 1 du top 50 pendant 8 semaine, vous allez chanter en voiture, chez vous, pendant le petit-déj. Voici Michael Jones et Jean-Jacques Goldman. Énorme tube dans le double expresso RTL2. Je te donne. I can give you the voice bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences. Tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride. The will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir. Les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort. Et l'humour et l'amour sont nos trésors. Ce que je vaux. Michael Jones, je te donne. On a chanté à tue-tête, à pleine voix. On a dans chanté le studio. Tellement fort. Oh là là, incroyable. Fort et faux. Et bien, j'espère que vous avez fait pareil. Ça fait du bien dès le matin. Vous retrouvez d'ailleurs toutes ces petites vidéos de vie du Double Expresso sur les stories Instagram, sur la page Facebook et sur le compte Twitter de l'émission. On va jouer. La honte ne tue pas. Non, alors, vraiment. On va jouer à la banque RTL2. Appelez-nous au 3228 ou vous envoyez sinon le mot banque au 74-900. Des séjours au parc Astérix, jusqu'à 10 000 euros, des iPads, des téléphones, des séjours. Et puis Harry Styles pour le son pop rock. Sign of the Times à suivre. Vous ne bougez pas, hein. Il est 7h42, on démarre cette journée. Cet été, est-ce que c'est l'été? C'est l'été. Oui. Ensemble sur RTL2. Hey, hey, hey!

l'été et la fête de la musique sur RTL2. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Styles et Sign of the Time sur RTL2, 7h50. C'est l'heure de la banque RTL2. La Côte d'Azur nous appelle, direction Nice. Bonjour Farida. Bonjour Greg, bonjour Justine. Salut Farida, j'ai l'impression que ça va bien. Ah oui, très très bien, avec bon. Un beau soleil. Ah bah vous avez bien de la chance, mais il va faire beau un peu partout je pense aujourd'hui en France. Oui. Il y a un événement pour votre fille, j'ai l'impression, non? Qu'est-ce qui se passe? Et oui, elle passe son bac et là ce matin, de 8 à 10, elle a l'épreuve de littérature. Bon, elle n'est pas encore entrée en cours, ça se trouve à la RTL2 dans les oreilles. On l'embrasse, bonne chance, plein de belles choses. Un gros merde, disons-le. Et Farida, vous êtes aussi stressée qu'elle? Oui, aussi. Ah, c'est normal. Bah oui, hein. C'est le concept de la maman et du papa, ça, généralement. Bon, Farida. Oui, petite Léa, c'est un bébé. Bah oui. Bah, Alors, je vous le dis, c'est plus un bébé. Elle est grande, maintenant. Il faut accepter. Maintenant. Oui, non, il faut accepter. Je vous assure, sinon, c'est dur d'être maman. Farida, jusqu'à 10 000 euros, des vacances, des séjours, des iPads, des téléphones portables. C'est ça, la banque RTL2. Attention au coffre vide, d'accord? Et on y va. Oui. Top chrono, une minute pour jouer. Coffre 1. Le nouvel iPad. Hey. Je sais pas, j'ai l'air d'être enthousiaste. Mais qu'est-ce qu'on fait? Allez, je prends. On prend le nouvel iPad? On prend l'iPad? Tout de suite, oui. Eh ben bravo, Farida. Eh ben voilà, ça fait plaisir de rendre les gens heureux d'entrer bravo, le jeu, vous, Farida. Auditrices, auditeurs. Ah, on est content pour vous. Merci beaucoup. Le nouvel iPad, une valeur de plus de 400 euros, il est gagné. Il est pour vous, il part à Nice. On l'emballe, on met du papier bulle, on le protège. On c'est le dédicace une journée pas. Qui commence bien. On dédicace la vitre. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre 2? Un smartphone Huawei P20 Lite. C'était aussi très beau, mais... Oui, très bien, mais l'iPad, c'est très bien. Super. Eh bien, Farida, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez jouer comme Farida dans moins d'une heure au 3028 ou banque au 74 900. On vous rappelle que Jason Mraz sera notre invité dans 10 minutes pour la fête de la musique sur RTL2 et... Et Farida, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. Sur RTL de 8h05. RTL 2, les savoirs inutiles. Pour briller à la machine à café. Un savoir inutile musical ce matin, ah, et oui, ça tombe bien puisque c'est la fête de la musique. Alors attention, écoutez. On voyage. Nous sommes au Japon avec le groupe de pop AKB48 alias Akihabara 48. Je connais pas. Tu connaissais, hein? Pas du tout, moi. Non. Tu connaissais déjà? Non. Ah non. Max, non. Ah non, pas du tout. Non. Eh bien, les AKB48, c'est un groupe de musique de jeunes filles japonaises. Elles détiennent le record du monde du groupe pop ayant le plus de membres. À votre avis, les garçons, elles sont combien? 48, c'est marqué dessus, mais c'est impossible d'être 48 dans un groupe. Non, c'est pas 48. Bah, 14. Non, allez, 23, 24. Une dizaine. En septembre 2013, elles étaient 88. Hein? 88. 88. Imagine ça sur scène. C'est surtout comment tu partages l'argent une fois que t'as vendu. Oh, mais non, mais toi tu penses, mais c'est pas possible. Mais ça m'étonne pas. Mais tu penses à ça tout de suite, c'est pas possible. Pas du tout, je cherche une vanne. Ouais, non, excuse-moi, c'est humain, c'est pas humain, je veux dire. Ouais, dis rien alors, parce que c'est humain, c'est pas humain. Bah, non, mais moi je pense pas à ça. Tu penses à quoi? Comment elles sont pendant le bus? Faut un grand bus. Il faut une grande scène. Et oui, aussi. Oui, il faut aussi, un grand bus, faut une grande scène, faut table, tout partager. Il faut un gros catering là. Donc, où pour on les mange, recevoir en live ici, c'est compliqué. Oh, hein. C'est un bordel sans nom. Alors, entrez. 1, 2, 3.

premier pays du G7 à autoriser cette drogue douce. La France peut se qualifier dès ce soir pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de foot. Les Bleus jouent cet après-midi le Pérou et ils vont devoir faire mieux que face à l'Australie la semaine dernière. Le Pérou, une équipe qui n'a plus joué un mondial depuis 1982 et qui est donc très motivée. Le match aura lieu à 17h heure française et dans les autres rencontres du jour, Argentine, Croatie et Danemark, Australie. Enfin, RTL2 fête la musique aujourd'hui, forcément. Ça commence d'ici quelques instants dans le double expresso avec Jason Mraz. Du côté de la couleur du ciel aujourd'hui, c'est une belle journée qui s'annonce sur la plupart des régions pour ce premier jour de l'été et également pour cette fête de la musique. Belle journée, mais moins étouffante qu'hier normalement, surtout sur la moitié nord. On aura aussi quelques passages nuageux, toujours au nord de la Loire en matinée. Le ciel va largement se dégager en journée. On aura que du bleu la plupart de l'après-midi. Quelques orages devraient revenir en fin de journée dans le sud, sur le golfe du Lion et sur le sud des Alpes, avec quelques averses possibles sur la région toulousaine. Les températures en ce moment, 14 à Amiens, 15 à Rennes, 19 à Lyon et Paris et 20 à Toulouse. Tout au long de la journée, RTL2 fête la musique. Grégory Hacher et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL2. Bonjour à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous sommes jeudi matin, c'est le 21 juin, c'est l'été, c'est la 400e du double expresso RTL2. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Et nous avons basculé de studio pour tout vous raconter. Nous sommes allés dans le mini live, c'est le nom de ce studio, en direct et en public. Bonjour auditrices et auditeurs du double expresso, merci d'être avec nous. Je vous demande d'applaudir très fort celui qui est notre invité, Jason Mraz. Ouais. Hello Jason. Hello. Hello, how are you? I'm fine. Il va bien, il est tranquille avec sa casquette. It's not a hat. It's one of many. Ah oui, c'est l'un de ses nombreux choix au-dessus. My morning hat. Ouais, c'est son chapeau du matin. Il n'y a pas besoin de se coiffer avec la casquette. Non, c'est l'avantage. Facile. On salue Jonathan O'Donnell également qui est avec nous. Salut Bonjour Jonathan. Bonjour à tous. Jérémy qui est à la réalisation, qui est très loin de moi dans ce studio. Ah oui, t'es très très loin. Ça va? Ça va bien. Bon. You have a love affair with France and friends. Jason, t'as une histoire d'amour avec la France et les Français. Is it true? Est-ce que c'est vrai? Who doesn't? Bah, qui n'en a pas, je sais pas, c'est pas si évident que ça. You love to play here. Est-ce que t'aimes jouer ici? You have to sing your song in France. Yeah, I've been very lucky to come here for, I don't know, maybe 10 years and play for very kind listeners and explore this beautiful country. I'm very lucky. Et c'est un beau pays, il aime beaucoup. Jason, as-tu conscience que tu fais vraiment partie de la vie des gens? Je m'explique. Vous savez que beaucoup de gens utilisent vos chansons en ouverture de bal, par exemple pour leur mariage ou pour aider en chagrin d'amour. You're a part of our life. I will explain to you of people's life. Do you know that? Because, for example, for mariage, there is your song first. Okay. You like that? Mm-hmm. It's important for you? It's an honor. C'est un honneur. And then it makes me the kind of songwriter that wants to write more songs for special moments in people's lives. Ça lui donne envie d'écrire encore plus de chansons. A responsibility I have now. Voilà, c'est des responsabilités maintenant. You spoke about responsibilities, but can I say that with the success, you have more pressure? Est-ce qu'on peut dire qu'avec le succès, t'as un peu plus de pression? Or you're still the same, always cool? Est-ce que t'es toujours le même, toujours cool? Yeah, there is pressure. But life, there's pressure, you know? La vie, c'est une life pression. Is hard. La vie est dure. Life is hard, and so I use that pressure for good. Yeah, for good things. Voilà, la pression, c'est finalement une bonne chose, il l'utilise pour de bonnes choses. Et donc, le nouvel album la sortira cet été. Comment ça s'est passé, l'enregistrement de ce dernier album? En quoi est-il différent des précédents? Where did you record this album? How can you define it? Comment est-ce que tu peux le définir? Is it different from the other? Est-ce qu'il est différent des autres? No, no different. No. Same. Always Jason the same Mraz. Song. It's the same guy. Same chords, new lyrics. Voilà, nouvelle chanson mais la même pour tout le monde est là. Jason Mraz est notre invité. Vous pouvez l'applaudir. Elle est avec nous, la chanteuse, en direct dans cette émission spéciale Fête de la musique dans le Double Expresso RTL 2. White on Your Woman. Et puis après, il va aller se préparer, Jason Mraz, et découvrir sa nouvelle chanson, Have It All. Merci d'être avec nous. Yeah.

'cause I will leave the light on. 8h17, c'est le Double Expresso RTL2, événement à vivre en live et également sur nos réseaux sociaux. Justine. Sur la page Facebook de l'émission, le Double Expresso RTL2, ou sur le Facebook de RTL2 aussi. Évidemment, simplement. Tout est filmé, je vous demande d'applaudir en direct et en public celui qui est avec nous pour fêter la musique ce matin. Sa nouvelle chanson, Have It All, voici Jason Mraz. Ouais. Merci beaucoup. May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous, sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa, may the road less paved be the road that you follow. Oh, oh, oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. Oh, I want you to have it all. I want you to have it all. I want you to have it all. May you be as fascinating as a slap bracelet. And may you keep the chaos and the clutter of your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Oh, may the road less paved be the road that you follow. Whoa, well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it all. Oh, I want you to have it all. I want you to have it, I want you to have it all. Oh, I want you to have it all. All you can imagine, oh. No matter what your path is, if you believe it, then anything can happen. Go, go, go, raise your glasses. Go, go, go, you can have it. Toast you, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. Oh, I want you to have it all. I want you to have it, I want you to have it all. Yeah, here's to the good times we gonna have. Here's to you always making me laugh. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. Jason Mraz live! Génial! Very nice! Please come here. Viens ici, Jason, évidemment, à poursuivre cette rencontre avec toi. Allez, on peut le rapplaudir encore plus fort tant qu'il vient de s'installer en posant sa guitare. Franchement, elle est hyper bien. Ah ouais, génial. Un grand, un bon et moment. Et alors moi, je veux lui demander quelque chose sur ce titre, justement, à Vidol. Parce que j'ai lu que ça avait été inspiré d'un de tes voyages, Jason, un de tes voyages en Birmanie. Est-ce que tu peux nous raconter? Avilol was inspired by one of your trips in Birmania. Yes. It's a true story. Exactly. So a common greeting over there is Tashi Dilek, which was translated to me in English as may you have auspiciousness and causes of success, which is may you have good favor, good success, good fortune. Il a eu succès là-bas, il a rencontré plein de gens, il parlait un autre dialecte et c'était une belle I just thought it was a beautiful histoire. Salutation and a great way to introduce yourself to someone. So I wrote it down and thought this might make a great message in a song. Voilà, il a dit que c'était un beau message à traduire dans une chanson, de ce mélange, ce partage évidemment, c'est cette façon de parler différemment suivant les pays, d'être en contact avec d'autres. quand on crée une nouvelle chanson, quand on a eu du succès, when you have success, I'm yours was a master hit, ça a été un titre incroyable. I talk about pressure a few minutes ago, j'ai parlé de pression. You, from you, you have pressure. Est-ce que toi, tu t'imposes une pression? Est-ce que tu t'imposes quelque chose de voilà, encore plus de travail, more work, maybe? Well, a little bit. Yeah, I mean, it's 8:20 in the morning and I'm singing songs. So, thanks to success, I have to get up early. Il est 8h20, il chante tôt, alors merci au succès. But I write all kinds of songs. And every time I write a song, I feel like I connect with the divine, something very powerful. And to me, that's the success. Le succès, c'est d'être connecté. Being able to create anything. The fact that I've had success actually makes my life easier because it gives me more time to invest in myself as an artist. Et ça lui permet de faire d'autres choses en tant qu'artiste, évidemment. Jason Mraz est ce matin notre invité. Vous pouvez l'applaudir, évidemment. Il va nous chanter une autre chanson dans quelques minutes. I'm yours. Et nous, on écoute Kiss I Was Meant For Loving You dans le Double Expresso RTL 2. Direct dans le Double Expresso RTL 2. On est toujours en direct et en public avec nos auditrices et nos auditeurs dans Spinny Live. Jason Mraz est notre invité. What is your astrological sign? Cancer. My birthday is Saturday. Ah oui, ce soir. Oui. Mais c'est prévu Happy tout birthday. À l'heure. Thank you. With a few days. Ouais, un peu en avance. Alors on y va pour l'horoscope du jour, les médailles de bronze et les taureaux, Justine. Vous avez du mal à sortir du lit ce matin, courage. Les scorpions. Vous avez trop de choses en tête, recentrez-vous sur l'essentiel. Médaille d'argent, les béliers. Tout le monde est au petit soin pour vous, profitez-en. Gémeaux. Vous avez l'esprit vif, vous réagissez vite face aux difficultés. Les lions. Vous refusez de vous laisser marcher sur les pieds, vous avez bien raison. Vierge. Vous êtes facile à vivre en ce moment, votre compagnie est agréable. Balance. Vous êtes très persuasif et cela vous sert tant au travail qu'à la maison. Sagittaire. Pas de stress pour vous aujourd'hui, c'est le moment de décompresser. Capricorne. Vous êtes dans une forme olympique et regonflée à bloc. Les Verseaux. Vous avez une nouvelle passion et cela vous occupe l'esprit. Nous avons ensuite les poissons. Vous êtes déterminé, mieux vaut éviter d'être sur votre passage aujourd'hui. Et la médaille d'or du jour, c'est pour Le signe de Jason Mraz, cancer, morale, santé, amour, tous les voyants sont au vert, aucun nuage à prévoir dans votre ciel. Else love feeling, everything is green, no clouds in your sky, today everything is fine. Love that's that. For you. you today. I need that. Il a besoin de ça. Et nous aussi, on va l'écouter avec I'm Yours dans quelques minutes, Jason Mraz. Et puis, il y aura aussi No Dot dans le double expresso RTL2. À tout de suite. Demain, à partir de 19h, Jane prend les commandes d'RTL2. C'est RTL2 Pop Rock Studio. Pendant une heure, Jane vous fait découvrir ses influences et son univers. Pop Rock Studio, présenté par Stéphanie Renouvin. Demain à 19h sur RTL2. Quel match ! Les fraises sont parfaitement dans leur saison. Sucrées, charnues, les fraises enchaînent toutes les déclinaisons. Tarte, nature, coulis, les fraises sont à l'aise sur tous les terrains. Et c'est la saison. Avec les fraises, partageons les plaisirs. Avec ma carte La Halle, vous êtes privilégié. Pour vous, La Halle réserve ses ventes privilèges. Des remises totalement dingues, jusqu'à moins 50% sur une sélection de chaussures et de vêtements. Il n'y a aucune raison de vous priver, c'est jusqu'au 26 juin. A tout de suite en magasin ou sur lahalle.com. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Avec les crédits conso du Crédit Agricole à taux spécial, encouragez les Bleus à domicile. Devine quoi ? On part soutenir l'équipe de France ! Waouh, trop bien ! Je prends quoi ? Tes potes, mes potes et hop, direction le salon devant la nouvelle télé ! Télé, meubles, déco, avec les crédits conso du Crédit Agricole, équipez-vous pour soutenir les Bleus à domicile. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 15 juillet 2018, voire conditions en agence et limite au contrat sous réserve d'acceptation par votre caisse régionale participante prêteur. Vous disposez d'un délai légal de rétractation. RTL2. Peugeot Professionnel, des solutions pensées pour les pros. Partir en rendez-vous client, rester connecté et arriver à l'heure sur vos chantiers, c'est facile avec le bureau mobile Modu Work et la navigation 3D connectée du Peugeot Expert. Il est vraiment taillé pour relever tous vos défis. En ce moment, le Peugeot Expert Premium Pack avec navigation est à partir de 179€ hors taxes par mois avec 3 ans d'entretien offert. Crédit bail 36 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par, premier loyer 1650€ hors taxes, détails sur professionnel.peugeot.fr. Chez Burger King, nous avons trouvé meilleur qu'un Whopper. Oh, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas meilleur qu'un Whopper. Préparé à la commande, avec des ingrédients frais et une viande grillée à la flamme. Je peux finir ? Nous avons enfin trouvé meilleur qu'un Whopper. Deux Whoppers ! Jusqu'au 9 juillet, chez Burger King, savourez deux Whoppers pour seulement 6 euros. Deux Whoppers pour 6 euros ? Fallait le dire ! Burger King. Prix maximum conseillé, conditions de l'offre et restaurants participants sur burgerking.fr. Pour votre santé, bougez plus. Décathlon, c'est aussi la joie du kayak, du spot parfait, du kiff de la randonnée en toute liberté, des excursions en mer ou sur un lac, seul ou à deux, avec tout le confort et la stabilité. Oui, on a compris. Cet été, retrouvez le kayak Kittiwit deux places, gonflable en 7 minutes et qui tient dans un sac à dos, à seulement 250€ chez Décathlon. C'est le double expresso RTL2 avant un nouveau live de Jason Mraz. Voici vos infos avec Fabienne Terkaev. Bonjour Fabienne. Bonjour Greg, bonjour à tous. Citation, nous n'aimons pas voir des familles séparées. Et ce sont les mots donc de Donald Trump hier. Il fait volte-face sur le sujet de la séparation des enfants et parents de migrants clandestins qu'il avait lui-même initié, violemment critiqué au sein de sa majorité mais aussi par son épouse et sa fille. Le président des États-Unis a décidé hier de mettre fin aux séparations systématiques. Mais Donald Trump a affirmé que des poursuites pénales continueront à être engagé contre ceux qui traversent la frontière illégalement. En Europe, la politique migratoire est aussi un sujet brûlant. Les dirigeants de 10 pays européens vont se réunir dimanche à Bruxelles pour plancher sur des solutions aux défis migratoires. Ils prévoient un durcissement des obligations imposées aux demandeurs d'asile. Ils s'engageraient à en renvoyer les demandeurs d'asile d'un pays de l'Union européenne vers un autre quand ce dernier est considéré comme responsable du traitement de sa demande. Des jours de grève pendant tout l'été. C'est ce qu'a annoncé hier la CGT pour donner suite au mouvement de la SNCF. Si la grève perlée doit se terminer le 28 juin prochain, le syndicat a annoncé qu'il appellerait à des journées de grève en juillet et en août, à commencer par les 6 et 7 juillet. Du foot et les yeux évidemment qui sont rivés sur la France aujourd'hui, les Bleus jouent déjà une qualification possible pour les huitièmes de finale face au Pérou à 17h. Mais pour cela, ils vont devoir mieux jouer que pour le match contre l'Australie la semaine dernière. Et en face d'eux, le Pérou, une équipe qui n'a plus joué un mondial depuis 1982 et dont tout tout le pays évidemment est remonté à bloc pour cette participation. Dans les autres rencontres du jour, Argentine, Croatie et Danemark, Australie. Et puis hier, le Maroc, l'Égypte et l'Arabie Saoudite se sont faites éliminer du mondial. Une nouvelle claque pour l'environnement. Entre 2014 et 2016, les forêts sauvages ont perdu chaque année une surface de 90 000 km², une surface équivalente à celle de l'Autriche. Le rythme de destruction s'accélère depuis le début du siècle, selon une étude publiée cette semaine. Et du côté du ciel, la journée sera belle aujourd'hui ce premier jour de l'été et la fête de la musique. Belle, mais moins étouffante qu'hier, surtout sur la moitié nord. On aura aussi quelques passages nuageux, toujours au nord de la Loire en matinée. Et puis le ciel va largement se dégager en journée. On n'aura que du bleu sur la plupart des régions cet après-midi. À noter quand même quelques orages qui vont revenir en fin de journée dans le sud, sur le golfe du Lion et aussi le sud des Alpes. Et puis quelques averses seront possibles sur la région toulousaine. Les températures ce matin, 14 degrés en ce moment à Amiens, 16 à Rennes, 17 à Paris, 20 à Lyon et Toulouse et 23 pour Strasbourg. C'est l'été et la fête de la musique sur RTL2. Dans le double expresso Just Girl, nous sommes en direct et en public avec nos auditrices et nos auditeurs. Bonjour à vous, merci de vous être levé si tôt pour applaudir Jason Mraz qui est notre invité ce matin. Vous pouvez encore taper les mains. Jason est toujours là, il va nous offrir un deuxième live dans quelques secondes. I'm yours, son énorme succès évidemment qu'on connaît toutes, mais avant tous, on va jouer au jeu, le célèbre jeu du chapeau. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Oui, The Famous One, the Hats Game. Okay. Comme t'aimes les chapeaux, ça tombe le bien. Le jeu du chapeau, il y a des questions à l'intérieur, il faut juste les tirer et répondre. Hein. C'est très simplement. Hein. On peut se prendre la tête, hein, non. Bah non. Qu'est-ce ton pire. I spoke Spanish. Quel est ton pire cadeau d'anniversaire? Your worst gift for your birthday. The worst gift ever. Et on rappelle que c'est dans deux jours l'anniversaire de Jason Mraz. My worst gift for my birthday. Not easy one. Not an easy one. I've always been given good. One time, I did want roller skates from my grandmother. And, les rollers de sa grand-mère. And I thought it was in the box, and it was a brick. Ah oui, c'était juste, c'était que la boîte. A brick. Il y avait a brick. On est d'accord, c'était que la boîte. Il y avait pas les rollers dedans. Ah bah pourquoi? Why? Yeah, I don't know. She thought it was funny. Elle est très drôle ta grand-mère. She said, very you can funny. Rent skates. You don't need them. You don't need tu to buy them. Tu peux imaginer que tu peux rouler, mais tu rouleras pas. Sympa la grand-mère. Elle est drôle. Choose another one, please. Ah, okay. Il fait de son mieux pour parler en français. It's not easy to speak in French. C'est tout. Choisir ton prénom. C'est tout, ça rien. Your parents say you will be. Your parents said to you you will be a Jason. But if you can choose, what kind of first name you choose? Quel premier prénom t'aurais voulu? Oh my gosh, I never thought of being anyone else. Bah oui, mais you have to choose. Maybe Jesus Christ. Carrément. Someone took it already. Oh, hein. Someone's taking it. Oh, I like that name though. It has a ring to it, you know. Bon, voilà, il se trouvait Jésus-Christ, c'est plutôt pas mal. Last one. Une petite dernière. In French, you have to try. Okay, qu'est-ce que tu as en fond d'écran sur ton portable? Ouais, qu'est-ce que tu as en fond d'écran sur ton portable? What is your wallpaper on your smartphone? Oh, it's my wife. Ah, c'est sa femme. It's my wife, drinking café. So romantic. Coffee. Yeah. Oh, en train de boire un café. You're a lover, Jason. I am a lover. I need love in my life. Yeah, you need love in your life. On a tous besoin d'amour, évidemment. Bon, on va écouter Amiens, qu'on attend tous. Sachez que le titre Amiens, quand même, est resté plus de 76 semaines dans le classement américain. Et c'est la quatrième chanson la plus téléchargée sur iTunes. C'est dingue, ça. Do you know this numbers? 76 weeks in America, Hot 100 for Amiens. Oh, yeah. And first time. All-time song upload on iTunes. Amazing. C'est incredible. Wow. Mais ça, that's awesome. Tu lui apprends des trucs. You didn't know that? No, not all of that information. Complètement. C'est génial. Il est complètement as long as my ATM card works, I'm okay. Oui, c'est ça. Tant que sa carte de crédit fonctionne au distributeur, okay, tout va bien. Yeah. You always play this song on stage. Tu joues toujours cette chanson sur scène. I'm yours. Always. Always. It's now your time. I'll do it. Jason Mraz, s'il vous plaît. En direct, qui va nous interpréter son énorme tube I'm Yours dans le Double Expresso RTL2 à découvrir en Facebook Live sur la page RTL2 et du Double Expresso. C'est à toi. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. And I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. Well, I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Mind and see he like me. Open up your plans and man, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family and it's our God intended right to be loved, love, love, love, loved. So no more, no more. It cannot wait. I'm yours. You do, do you do you do do do? Do you want to come on in? Scooch on over closer, dear. Come here. So de ba ba ba ba. Long checking my tongue in the mirror and bending over backward just to try to see you clearer.

Faites la musique. Expresso RTL 2. C'est l'heure de la banque RTL 2. Allez, on va se remettre de nos émotions. On est toujours en direct et en public dans le ce qu'on appelle mini live. Ça va toujours, auditrices, auditeurs d'RTL 2. Tout le monde est en forme. On a eu quelques amoureux et amoureuses de Jason Mraz. Hein. Je peux vous dire que là. Ah, bah, il y a eu les photos avec Jason Mraz. Ouais. Si on est heureux de vous avoir permis de rencontrer l'une de vos idoles. C'est cool, c'est bien. Merci d'être venue ce matin. Julie, bonjour. Bonjour. Ça va, Julie? Très bien. Bon. Et vous? Bah, oui, Julie, vous nous appelez d'où? De Nancy, en Lorraine. Très bien. Alors Julie, vous aimez les concerts, hein, ce que je vois dans votre fiche signalétique qu'on nous transmet avant chaque jeu. Alors qui vous allez voir? C'est quoi votre dernier concert? Le dernier concert, c'était Big Flo et Oli. Ah bah voilà, très sympa. Bien. Parfait. Et je vais au Francophonie de La Rochelle cet été. Alors, si vous allez faire les festivals, c'est impeccable. On va vous souhaiter de gagner jusqu'à 10 000 euros. Peut-être des iPads, des téléphones, des séjours, des vacances, tout ce qu'il faut. Vous connaissez le principe de la banque. On vous propose, vous nous dites oui, non, et on enchaîne. Attention au coffre vide. D'accord ? C'est noté. Oui. Allez, top chrono une minute, c'est parti. Coffre 1. Le pyjama du country de Greg. Mon pyjama. Je passe. Le fameux. Comment ça ? Bon, coffre 2. Un séjour Beo Resort. 1675 euros le séjour Beo Resort, Beo Cottage. Qu'est-ce qu'on fait ? Je passe, je ne pourrais pas partir. Coffre 3. Une montre Suunto. Une montre connectée. Bon, ben voilà. Coffre 4. Une guitare. Une guitare. Je passe. On continue. Coffre 5, 30 secondes. Un smartphone Huawei P20 Lite. 370 euros. Oh, pour. Ok. Allez. Coffre 6. Un lecteur Blu-ray. Un lecteur Blu-ray. Je passe. Coffre 7, 20 secondes. 300 euros à dépenser sur le site netatmo.com. Des objets connectés pour la maison. 10 secondes. Je passe. Oh là coffre là. 8. Le coffre vide, il est là. On a laissé passer plus de 3000 euros de cadeaux, mais c'est le jeu. Je suis déçu. Je suis un petit peu déçu, moi, pour vous, quand même. On va quand même vous offrir un PES Personne B-Way Connect. Ça, c'est sympa quand avant l'été. Le petit truc sympa, rassurant, avant la plage. Le Summer Body au top grâce au double expresso. Le Summer Body. J'ai entendu ma grande dire ça. Je me suis dit, tiens, ça doit pas faire un Gardos. Ah oui, c'est ça, c'est la mode. Mais Ringardos, oui, ça, c'est vraiment vieux. Complètement. Vieux machin. Bon, très bien. On vous embrasse, Julie. On vous offre un mug du double expresso RTL2. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso, bien sûr. Dans le double expresso RTL2. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL2. Alors là, évidemment, ça va être moins simple après Jason Mraz, sa guitare, son talent, sa voix et les fans qui sont venus pour le rencontrer. Ça va toujours, nos amis fans de Jason Mraz, auditrices, auditeurs? Non, attendez, on va recommencer. Ça va toujours? Ouais! Voilà, vous allez me faire du bruit. Il faut savoir qu'il y a un vrai groupe de fans de Moraes. Il y a une jeune fille qui est venue du Portugal. Ah, mais oui. C'est pas une blague. Incroyable, hein. Du Portugal, ça arrive de Bordeaux, ça vient de partout. Le monde entier s'est donné rendez-vous dans le Double Expresso. T'as la pression, papa? Ah oui, ça j'ai la pression, hein, on change d'ambiance. Hein. J'ai cherché mes fans dans le public et personne n'a levé la main. Bon, donc, ta maman m'a envoyé un texto, elle est cool. Elle est mignonne. Bon, on va parler agroalimentaire. Ouais, hein, on va commencer comme ça, puisqu'un groupe breton va construire une usine de lait infantile destinée à 100% à la nutrition des bébés chinois. Ah bon? Ouais, mais c'est normal. Faut bien qu'on nourrisse ceux qui font nos téléphones. Hein. Oh, mais j'ai un iPhone, je veux le garder. Donc, on les traite bien, s'il vous plaît. Non, non. On s'en va aux États-Unis maintenant. Deux chercheurs américains affirment qu'un physique ingrat aiderait à avoir un meilleur salaire. Mais c'est pas possible. Ah, bah ici, on va pas vous dire le contraire. Salut Greg, tu vas bien? C'est plaisir de te voir. Bon. Et info immobilier pour terminer. Par manque de place, Londres construit désormais des appartements en sous-sol pour ses nombreux millionnaires. Ah, donc, s'il y a de plus en plus de millionnaires à Londres, ça veut dire qu'il y a aussi de plus en plus de moches, donc il y a quand même une justice. Voilà, c'est... Merci, Jonathan Donnel. Vous pouvez applaudir, on se retrouve tous les matins, 16h55. 8h55, 400 trees pour le son pop rock d'RTL2. Et puis Kevin Olivier qui n'est ni millionnaire, ni chanteur. Mais par contre, il a du jackpot. Et en plus, un invité. Oui, vite fait alors. Il est sympa. A tout de suite sur RTL2. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Maroon 5. Ce titre d'Ed Sheeran, vous l'avez découvert sur RTL2. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de U2. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Quelle équipe! Les Cerises sont en pleine confiance cette saison. Le clafoutis de Cerises a été élu recette du dernier match et l'équipe possède d'autres talents comme la Cerise Nature qui fait son entrée sur le terrain. Et c'est la saison. Avec les Cerises, partageons les plaisirs. Bouygues Télécom. Regarde cette sublime photo des filles et moi. Waouh, vous êtes sublime. Tu t'es offert un photographe professionnel, avoue-le. Non, je me suis offert l'incroyable iPhone X à un prix incroyable lui aussi. Ah bah tu sais faire ton petit effet toi, hein. Et oui, en ce moment, chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un iPhone X avec un forfait sensation avec avantage smartphone, profitez de 200€ offerts pour la reprise de votre ancien téléphone et de 180€ supplémentaires remboursés sur demande. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 100€, engagement 24 mois et conservation du numéro. Intermarché vous propose d'écouter 7,90€. Alors chérie, pour faire des brochettes, il faut mettre viande, poivron. Ah non, moi je préfère poivron, viande, poivron. Mais pas du tout, c'est beaucoup mieux, viande, poivron. Dès aujourd'hui, la viande de bœuf à brochette Jean Rosé Origine France est à seulement 7,90€. C'est ça, un prix producteur et commerçant, et c'est seulement jusqu'à samedi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine, pièce à brochette. Pour votre santé, évitez les aliments gras, salés, sucrés. Boule, votre nouvelle série inédite, débarque sur M6. Michael Weatherly, l'ancien agent spécial d'Inozo de NCIS, incarne ici Jason Boule. Brillant psychologue spécialisé dans les procès, il n'a qu'un but, prévoir le verdict final. Inédit, Boule, c'est tous les vendredis à 21h sur M6. RTL2. Supermarché Casino. Vos supermarchés Casino vous préparent des offres juteuses. Jusqu'à dimanche, profitez des heures Happy Hours et de 50% de remise en bon d'achat sur le rayon fruits. Casino, goûtez-moi cette journée. Offre 50% valable du 21 au 24 juin de 10h à midi et à partir de 17h. Hors produit en promo, 1 plus 1 gratuit, 2 plus 2 gratuits avec la carte, 50% sur un produit et offre coupon Casino, c'est max. Bon d'achat valable du lundi 25 juin au dimanche 1er juillet. Hors Corse. Retrouvez la liste des magasins participants sur supercasino.fr. Avec ma carte La Halle, vous êtes privilégié. Pour vous.